un kilomètre à pied. Ça use, ça use, un kilomètre à pied. Ça use les souliers, deux kilomètres à pied. Ça use, deux kilomètres à pied. Ça use les souliers.